Des complots partout. Et pour eux, tout est complot. On les appelle les conspirationnistes ou encore les complotistes. Ils pullulent en particulier aux États-Unis où le drame du 11 septembre 2001 n'a fait qu'ajouter à cette propension à voir derrière chaque événement une manipulation ourdie par quelques mains mystérieuses. Mais le vieux continent n'est pas à l'abri. C'est d'ailleurs en Europe, au XVIIIe siècle, qu'est née cette idée du complot. Une théorie conspirationniste, qui a encore de beaux jours devant elle, si l'on en juge par exemple par le succès des ouvrages de Dan Brown et de son Da Vinci Code, ou encore de la série télévisée X-Files. Et si les ufologues, c'est-à-dire les personnes qui s'intéressent aux soucoupes volantes et à leur existence, sont de moins en moins nombreux, il en est encore qui croient dur comme fer à la présence d'extraterrestres sur notre bonne vieille Terre, ce qu'avaient déjà prétendu Powells et Bergier dans leur fameux Matin des magiciens, où ils affirmaient que les extraterrestres avaient autrefois visité notre monde et formé de grands initiés. L'idée conspirationniste n'est donc pas neuve, mais, et c'est surtout ce point qui a intéressé M. X, ces complotistes, ces créateurs de fantasmes, ne sont-ils pas eux-mêmes les principaux acteurs d'un complot visant à jeter le trouble et à détruire toute certitude. Et M. X, qui a pour ambition d'éclairer notre histoire et d'en dévoiler les secrets, n'est-il pas lui aussi un conspirationniste? Il répond tout de suite à la question. We'll be right back. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Je me suis toujours défendu d'être un conspirationniste, comme on dit, de l'autre côté de l'Atlantique. Et lorsque je suis incapable d'expliquer ce qui se cache derrière les événements que je vous raconte, eh bien, je vous l'avoue, très franchement. Oui, mais enfin, quand même, vous émettez à peu près toujours des hypothèses. Bien évidemment. Mais c'est bien ce que vous attendez, non? Oui. Et puis, sans vouloir paraître immodeste, il faut bien dire que les faits m'ont ensuite souvent donné raison. Pour autant, il ne faut pas verser dans l'excès contraire, c'est-à-dire pécher par naïveté. Et s'abstenir de tout esprit critique? Exactement. Par exemple, je n'ai jamais affirmé, comme certains conspirationnistes ou spécialistes de la désinformation, que le virus du sida était issu des laboratoires de la CIA. Mais par contre, je crois que dans l'affaire des otages américains de Téhéran, il y a eu vraiment une manœuvre des proches de Reagan qui désiraient que leur champion soit élu à la présidence. Bref, enfin, vous ne voyez pas le mal partout. Enfin, vous avez souvent des doutes, hein. Même des preuves. Or, bon, cessons de parler de moi, voyons un peu d'où vient cette théorie de la conspiration qui fait florès aujourd'hui. Un mot avant. Ce fantasme n'est pas seulement partagé par quelques esprits dérangés ou exaltés. D'importants dirigeants y croient aussi. À qui, là? Feu Ronald Reagan, pour revenir à lui. Il a proposé à Gorbatchev une collaboration en cas de menace extraterrestre. C'est sérieux, ça? Tout à fait. Et il a même réitéré cette proposition devant l'Assemblée des Nations Unies en concluant ainsi « Cette force étrangère n'est-elle pas déjà parmi nous ?» Je ne savais pas, mais c'est effectivement troublant, hein? Alors, l'origine. Si aujourd'hui, le conspirationnisme est surtout états-unien, le pionnier est un ecclésiastique français, l'abbé Baruel. Dans un ouvrage paru à la fin du XVIIIe siècle, il fonde la théorie du complot et met en place tous les ingrédients qui, aujourd'hui encore, sont utilisés par les conspirationnistes. Et pour élaborer son hypothèse, il se sert bien sûr du principal événement de cette fin de siècle. Oui, la Révolution française. Naturellement. Pour lui, elle résulte d'une conjuration préparée de longue date et dans le plus grand secret. Il s'agissait d'une conspiration antichrétienne qui visait à jeter à bas toutes les monarchies européennes. Ouais. Et selon cet abbé, alors, qui se trouvait derrière? Essentiellement des francs-maçons et une mystérieuse secte d'initiés, les Illuminés de Bavière. Mais cette secte-là existait vraiment? Oui, c'était une société secrète dont l'ambition était surtout culturelle et philosophique, mais qui était aussi violemment anti-jésuite. Or, Baruel était un jésuite. Ça explique les choses, hein. Mais Baruel prêtait aux Illuminés beaucoup plus qu'il ne pouvait faire. Et la Révolution française, si elle satisfaisait certains de leurs souhaits, ne leur devait rien. Quoi qu'il en soit, le mouvement était lancé. Il sera relayé tout au long du siècle suivant par nombre d'auteurs aux idées aussi fumeuses que néfastes. Néfastes? Bien sûr, car les sinistres protocoles des sages de Sion, qui verront le jour en Russie au début du XXe siècle, seront directement issus de cette littérature conspirationniste. Cet ouvrage antisémite, hein, faut le rappeler, est une création des services secrets tsaristes. Et ce livre entend démontrer à partir de textes inventés de toutes pièces qu'il existe un complot juif visant ni plus ni moins à s'emparer du monde. Et ces protocoles seront largement diffusés, hein, par tous les antisémites. À commencer par Hitler. Ouais. Mais aujourd'hui encore, ce torchon est vendu et même promu dans quelques pays musulmans. Ça signifie en tout cas que la plupart du temps, les conspirationnistes seront aussi les antisémites. Ouais, toujours le complot juif. Hein. En effet. Et également les francs-maçons. Et comme par hasard, les principales victimes du régime de Vichy. Oh, ce n'est pas un hasard. L'idéologie de ces conspirationnistes se situe franchement à l'extrême droite. Alors, que croit-il aujourd'hui? Disons pour simplifier qu'ils se livrent à une lecture paranoïaque de l'histoire. Ils ont peur? Ces gens se sentent menacés. Menacés et exploités. Car selon eux, il existe une entité supérieure, une élite qui dirigent toutes choses dans le plus grand secret. Et qui atteint à leur liberté. Ça explique pourquoi certains d'entre eux se sentent cernés et n'hésitent pas, le cas échéant, à faire usage de leurs armes contre les représentants de l'ordre qui sont forcément au service des maîtres du monde. Enfin, Notons au passage que cette grille de lecture de l'histoire s'applique automatiquement à la plupart des événements. L'exemple le plus dramatiquement connu étant l'attentat contre les tours jumelles de New York. Le résultat d'un complot. Attribué aux juifs, aux puissances financières ou encore au complexe militaro-industriel. C'est selon. Des théories délirantes, reprises d'ailleurs par certains sites internet d'extrême gauche en France. On pourrait aussi parler de la mort de Lady Di, ou de toute une série de morts mystérieuses des dernières décennies. Et c'est extrêmement pernicieux, car ces théories mélangent des faits avérés avec des affirmations complètement fantaisistes. Oui, n'est-ce pas ce que vous faites vous-même de temps en temps? Absolument pas. Vous ne pourrez jamais me prendre en défaut sur l'exactitude des faits. Je m'efforce seulement, pas toujours, de proposer une autre lecture de ces mêmes faits. Mais sans jamais enfreindre la vérité historique, ce qui, reconnaissez-le, est complètement différent. Admettons. Donc, si je vous ai bien entendu, l'inventeur du conspirationnisme était français. Et a-t-il prospéré ensuite dans notre pays? Bien entendu. Dans la plupart des brûlots antisémites édités à la fin du XIXe siècle, on n'est jamais très loin du conspirationnisme. Et puis, il y a eu par exemple le mythe de la synarchie. On en a parlé il y a quelques années. Oui, rappelez quand même. Bien. La synarchie aurait été une société secrète regroupant quelques grosses têtes, des polytechniciens, des hauts fonctionnaires. Et ce sont ces personnages qui exerceraient réellement le pouvoir, la démocratie n'étant qu'une illusion tout juste bonne à tromper les citoyens. Et sans nier qu'il existe chez certains énarques ou anciens élèves des grandes écoles un véritable esprit de caste, cette histoire était une pure invention. Mais certains ont fait un lien entre la synarchie et une autre organisation qui existe vraiment, celle-là. Quoi ? La trilatérale. La commission trilatérale. Mais si vous le voulez bien, on en reparlera un petit peu plus tard. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le conspirationnisme est une théorie assez pratique. Surtout quand on manque d'explications ou qu'on a du mal à supporter sa condition et même son existence. Je pense que c'est le grand Umberto Eco qui a dit à peu près ceci. Depuis que les hommes ne croient plus en Dieu, ils sont prêts à croire en tout. Et ça explique le succès d'un Dalmon. Ah oui, parce qu'il fait appel au sens du merveilleux qui sommeille chez chacun d'entre nous. Alors, le prieuré de Sion, l'or de Rennes-le-Château ou la filiation christique des Mérovingiens, ça marche, évidemment. Je vois que vous avez lu Dalmon. Non. Non, cependant, on convenait qu'il était difficile d'échapper à l'abondante littérature qui lui a été consacrée. Mais enfin, passons. Je crois vous l'avoir dit. C'est aux États-Unis que le conspirationnisme a fait le plus d'adeptes. Et nombreux sont les citoyens qui croient à l'existence d'un complot destiné à installer un gouvernement mondial. Certains d'entre eux étant persuadés que cette entité supranationale est déjà en place. Secrètement. Bien sûr. Et ça a produit des dégâts considérables. À quoi pensez-vous là ? L'existence de sectes qui se replient sur elles-mêmes pour échapper à ces autorités supérieures. Et parfois, ça s'est terminé par des drames. Au Guyana, par exemple, où un gourou américain a entraîné dans la mort plus de 900 de ses adeptes. Mais attendez, là, n'a-t-on pas parlé à propos de cette tragédie d'une manipulation de la CIA ou du FBI ? Vous voilà conspirationniste à votre tour. désolé, non, j'ai pas d'informations particulières sur cette affaire. Sauf que ce suicide collectif n'en était peut-être pas un. Un massacre, alors ? C'est très possible. Et puis, il y a eu, assez récemment, un Waco. Oui, l'affaire des Davidiens et d'un autre gourou qui affirmait être le Christ ressuscité. Il vivait au Texas, dans un ranch fortifié et isolé, avec une cinquantaine d'adultes, tous surarmés, et une vingtaine d'enfants. Les siens, pour la plupart, car lui seul avait le droit d'avoir des relations sexuelles. C'est pratique. Et lorsque l'administration a voulu vérifier l'arsenal que David Koresh avait constitué, ses disciples ont immédiatement ouvert le feu. Et des policiers sont tombés. Oui, il s'en est suivi un siège de plusieurs jours, et l'assaut final donné par le FBI. Et l'embrasement du ranch. C'est ça, tout le monde a péri brûlé, mais il est vraisemblable qu'au moins certains des adeptes ont été tués par balles avant l'incendie. Tués par qui alors ? Peut-être par Koresh et ses lieutenants. Alors, comme ça s'est peut-être passé dans l'affaire du Temple solaire. On a fait des ressemblances, mais enfin, restons aux États-Unis. Je voudrais vous parler d'un personnage étonnant, le pape du conspirationnisme, si j'ose dire, un certain Larouche. France Inter, rendez-vous avec X. Le conspirationnisme est donc d'abord la croyance en l'existence d'une organisation qui dominerait le monde. Ce que Frédéric Charpier, auteur de l'obsession du complot, appelle aussi le gouvernement des riches. Et se mettant à la place des complotistes, il écrit, je le cite, en 2005, « Le gouvernement des riches est toujours là. Les maîtres du monde ont survécu. Ils sont une poignée de pétroliers, de fabricants d'armes, Rupert Murdoch, Bill Gates, quelques grandes banques mondiales, des fonds d'investissement plus que jamais vagabonds, et des compagnies d'assurance et quelques trusts pharmaceutiques. De cela, les conspirationnistes font toujours leur miel et en tirent la même leçon. Si la ploutocratie où le gouvernement des riches règne partout dans le monde, c'est que la démocratie ne s'exerce nulle part et que tout ce qui en découle n'existe pas davantage. Tout n'est qu'apparence et vérité supposée. Le cinéaste Oliver Stone ne dit rien d'autre dans son film Wall Street lorsqu'un des personnages, un raideur cynique et sans scrupules, rétorque à un jeune golden boy ambitieux et soudain indécis « Tu n'as pas la naïveté de croire que l'on vit en démocratie aux États-Unis. 2% de la population possède la moitié des richesses du pays. » Alors cet homme-là, ce Larouche, avez-vous dit? Oui, un nom d'origine canadienne. Lyndon Larouche, qui a aujourd'hui plus de 80 ans et vient de très loin. C'est-à-dire? Il commence à faire de la politique aussitôt après la Seconde Guerre mondiale. Et il rejoint le parti trotskiste américain. Alors, c'est pour cette raison que vous dites qu'il vient de loin? Oui. Parce que Larouche, partant de l'extrême-gauche, ira rejoindre plus tard le conservatisme, et même, disons-le, l'extrême-droite. Bon, c'est pas le seul, hein. C'est vrai. Toutefois, c'est quand même un grand écart assez spectaculaire. Mais enfin, poursuivons. Il crée ensuite son propre parti, le Comité National Travailliste, ou enfin quelque chose comme ça, et ça ressemble bien au personnage. Pourquoi? Parce que partout où il passe, Larouche veut être le numéro un. Oui, enfin, c'est pas le seul. Mais enfin, il se situe toujours à l'extrême-gauche, hein. En effet. Et il envisage même de passer à l'action violente. Au début des années 1970, il est un temps déstabilisé par le départ de son épouse qui s'enfuit avec l'un de ses partisans. Ben, il se ressaisit, radicalise un peu plus son petit parti et lance ses militants contre les membres du Parti communiste américain. Quoi? Parce qu'il les trouve trop timorés? Sans doute. Et dès cette époque, Larouche se révèle peu à peu. Qui veut dire? Il instaure dans son parti, qui compte à peu près un millier d'adhérents, véritable climat sectaire. Et j'emploie le mot à dessein. Pourquoi? Parce qu'on est alors plus près de la secte que du parti politique. C'est ça. Larouche y fait régner la terreur et oblige, par exemple, certains de ses militants à rompre avec leur famille, avec tous ceux de leurs amis qui n'appartiennent pas au mouvement. Bah, il tourne au gourou, quoi. Ça y ressemble, effectivement. Et déjà, il commence à adopter un langage conspirationniste. Il explique, par exemple, que si sa femme l'a quitté, c'est parce qu'elle aurait été manipulée par la CIA. À moins que ça ne soit par le KGB. C'est quand même pas très clair, du moins. Franchement confus. C'est aussi l'époque où il affirme être menacé de mort et où il ne se déplace plus qu'entouré de gardes du corps. Il exige aussi de ses partisans qu'ils s'entraînent aux arts martiaux et au maniement des armes. En même temps, il opère un vrai retournement idéologique et s'acoquine avec un membre haut placé du Ku Klux Klan. Il devient donc, enfin, ce qu'on appellerait chez nous un rouge-brun. Exactement. Et afin de populariser ses idées, il crée une revue. Quel genre de journal? C'est bizarre, parce qu'au milieu de véritables informations, souvent assez confidentielles, on peut lire la prose exaltée de Larouche et ses délires conspirationnistes. Donc, quand même, hein, ça signifie que Larouche est plutôt bien informé. Et qu'il dispose de sources fiables dans les milieux où l'on s'occupe de géostratégie ou de géopolitique. Par conséquent, il y a des gens qui le prennent au sérieux. Et qui, alors, vous avez une idée? Un petit peu de patience, s'il vous plaît. Mais c'est vrai que Larouche connaît du monde. En 1975, il se rend à Bagdad. Et Saddam Hussein le reçoit en grande pompe. Tiens. Encore une fois, c'est bizarre, parce que officiellement, il n'est que le dirigeant d'un petit parti, un groupuscule à l'échelle des États-Unis. La preuve, c'est que peu après, candidat à l'élection présidentielle de 1976, il obtient un score dérisoire, ridicule. Et ça, c'est l'élection qui voit la victoire de Jimmy Carter. C'est cela. Et ce naufrage électoral annoncé n'empêche pas Lyndon Larouche de s'en prendre violemment à Carter en, en l'accusant d'être l'instrument, je cite, de la conspiration internationale des élites secrètes. Il en profite pour mettre en cause d'autres hommes politiques états-uniens ou pas. Ainsi, Mandel, Kissinger, Brandt et bien sûr John Fonda seraient des suppôts de Moscou. Ah ouais. Et un peu plus tard, quand François Mitterrand sera élu président de la République, Larouche le traitera de garçon de course du Kremlin. Ouais, j'imagine à cause de l'entrée au gouvernement de ministres communistes. Évidemment. Mmh. Et lorsque viendra le déplorable épisode du Rainbow Warrior, Larouche imaginera que Greenpeace a coulé son propre bateau à l'instigation de Moscou. C'est pas très sérieux tout ça. C'est même franchement délirant. Il accusera aussi la reine d'Angleterre de diriger le trafic mondial de la drogue. Bien entendu, il n'oublie jamais de dénoncer les banquiers juifs et les oligarques tels Rockefeller. Pourtant, malgré ses bouffées paranoïaques, il se pique de respectabilité. Avec sa deuxième épouse, une Allemande, il a créé un institut à Wiesbaden, l'Institut Schiller. Et il édite une revue scientifique, Fusion, où il se fait l'ardent propagateur du nucléaire. C'est donc aussi un activiste touche-à-tout. Et il n'hésite pas à se présenter comme un éminent spécialiste des questions économiques et stratégiques. Mais en dehors du petit cercle de ses adeptes, là, est-il écouté ? Eh bien oui. Aussi étonnant que cela paraisse, dès l'élection de Ronald Reagan, en 1980, il se rapproche des Républicains. Et il va trouver des oreilles attentives chez certains conseillers de la Maison-Blanche. L'un en particulier, un membre de cet organisme si puissant à Washington et si influent auprès du président, le Conseil national de sécurité. Et ce type-là, qui l'écoute, là, avale ses calembredaines. Il trie. Parce que, a-t-il dit ensuite, au milieu du fatras conspirationniste, il aperçoit des pépites. De bonnes informations. Oui, et aussi des idées. Ainsi Larouche pourra-t-il prétendre plus tard qu'il n'a pas été étranger à la décision de Ronald Reagan de lancer les États-Unis dans l'élaboration de la guerre des étoiles. Oui, l'initiative de défense stratégique. Hein. Sa dénomination officielle, en effet. Et vous croyez vraiment qu'il a joué un rôle dans cette affaire ? Pourquoi pas ? Il ne faut pas oublier qu'il existait une réelle connivence idéologique entre ces républicains très conservateurs et Larouche. Quoi qu'il en soit, pour ce dernier, c'est pain béni. Et pourquoi ? Parce que ses nouveaux amis l'introduisent dans les instances les plus secrètes de l'administration états-unienne. Je veux bien sûr parler des agences de renseignement. Ouais. Larouche, alors, à cette occasion, s'est donc fait ouvrir de nombreuses portes. Très nombreuses. Et dans sa revue, il multiplie les interviews de ministres de Reagan ou de membres influents du Congrès. Son entre-gens. Le fait aussi qu'il collecte beaucoup de renseignements intéressants grâce à son équipe en font donc un auxiliaire très précieux de la Maison-Blanche, car il a aussi élargi le cercle de ses amis. William Clark, un conservateur pur et dur, qui est un des collaborateurs très proches de Reagan, il en sera même son secrétaire d'État à l'intérieur, devient l'un des amis de Larouche. Mais est-ce que celui-ci, Larouche, là, a accès au président ? Je ne sais pas. Mais il est intéressant de noter que le vocabulaire du conspirationniste déteint sur celui de Reagan. Par exemple, lorsque le président évoque l'Empire du Mal. Oui, l'URSS. Cette conception satanique de Moscou semble sortir directement de la bouche de Larouche. Et peut-être est-ce la vérité. En tout cas, si je vous ai bien compris, c'était une véritable manœuvre de pénétration du parti républicain que s'est livré Larouche. Que voulez-vous ? C'est un ancien trotskiste. Et il sait qu'antrisme veut dire. Toutefois, la lune de miel va cesser à peu près au moment où Reagan va entamer son second mandat. Mais vous avez une explication ? C'est à peu près le moment où l'on découvre le scandale de l'Iran Gate. Et le président réélu a peut-être estimé que le moment était venu de faire le ménage dans son entourage. Et Larouche sentait le souffle. Évidemment. Et à l'occasion du remaniement imposé par Reagan, il avait aussi perdu ses soutiens à la Maison-Blanche. Clark, par exemple, n'a pas été reconduit. Je crois qu'il avait aussi autre chose. Larouche était désormais dans la ligne de mire de la justice. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. L'UNATFI, c'est-à-dire l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu, s'est intéressée à l'organisation de Lyndon Larouche et à sa branche française, le Parti ouvrier européen dirigé par Jacques Cheminade, perpétuel candidat à l'élection présidentielle. Et cette association anti-secte après avoir méticuleusement étudié les textes de Larouche parus sur son site web, en tire les conclusions suivantes. 1. Larouche est présenté comme le grand penseur, philosophe, politicien, savant, économiste, musicologue du siècle, et il est mis en parallèle avec des personnalités incontestables, Martin Luther King, Theodore Roosevelt, etc. 2. Le grand homme annonce un cataclysme économique sans précédent, mais il a la solution. 3. Son infaillibilité est présentée ainsi aux jeunes membres. Larouche ne s'est jamais trompé. 4. Les sites larouchistes sont inondés des écrits du grand homme pour donner l'illusion d'une importance immense de l'individu. Le jeune larouchiste croit que toute cette communication est faite à destination de la planète entière, car c'est bien ce que mérite un grand homme, la diffusion de ses idées. C'est d'ailleurs ce qu'on lui demande de faire tous les jours dans la rue. 5. Les jeunes larouchistes n'ont plus qu'un seul horizon, Larouche. Tout ce qui est externe est diabolisé, en particulier parents et amis, ainsi que toutes les idées artistiques, scientifiques, politiques qui n'auraient pas reçu l'estampille Larouche. Qu'est-ce qui vaut à Larouche d'avoir affaire à la justice ? L'argent. Cet argent dont on ne sait pas trop bien d'où il vient et qui lui vaut de faire vivre sa petite entreprise. Mais ses adeptes doivent payer comme dans n'importe quelle secte. Certes. Mais ça ne suffit pas à faire tourner la boutique, d'autant que son éloignement des premiers cercles du pouvoir a aussi mis quasiment un terme à ses contacts avec les agences de renseignement, contacts qui pouvaient éventuellement donner lieu à la signature de contrats. Ouais. Par conséquent, Larouche devait trouver d'autres sources de financement. Et les sources pas très honnêtes. Une première fois dans la deuxième moitié des années 80, il a été soupçonné d'escroquerie. Mais les délais de procédure étant trop longs, il échappe à une condamnation. Toutefois, peu après, il récidive. Allez, escroquerie, là. Quel genre d'escroquerie ? Une pratique bien connue des gourous et même de certains partis politiques extrémistes. On en a eu un exemple en France. À qui, là ? Vous voulez être poursuivi pour diffamation ? Parce que... Non. Bon, c'est un politicien bien connu pour attaquer en justice à la première occasion. Ah, ça, j'ai une idée, ouais. Alors, restons-en là, si vous voulez bien. Bon. Par contre, sur la nature de l'escroquerie, je peux être plus explicite. Il s'agit ni plus ni moins que de captation d'héritage. Ah oui, au détriment d'une personne âgée. Oui, qui n'a plus toute sa tête. Un gourou comme Larouche sait y faire pour persuader un être faible de tester en sa faveur. Et à mon avis, il a dû ériger cela en système. Parce qu'un émule français de Larouche n'a pas agi autrement. Mais ce politicien là prompt à saisir la justice ? Non, un autre. Ah enfin, bon. Il ne vous sera pas trop difficile de l'identifier. En tout cas, bon, cette deuxième affaire vaut à Larouche d'être lourdement condamné. À 15 ans de prison, je crois. Et il demeurera effectivement détenu 5 ans. Naturellement, il criera au complot et accusera l'une de ses têtes de turc, Henry Kissinger, d'avoir conspiré contre lui. D'avoir envoyé en prison. Cependant, et malgré cette condamnation infamante, Lyndon LaRouche continue ses petites affaires et, prétendument démocrate, il sera à nouveau candidat à l'élection présidentielle de 1992. C'est l'année où Clinton a été élu, là. Oui. Et toujours avec le même insuccès ? Ah bah bien sûr. Mais je crois qu'au total, puisqu'il se présentera encore en 2002, Larouche sera 8 fois candidat. C'est de l'obstination, hein ? Certainement. Mais à chaque fois, ça lui permet d'exposer ses idées et ses fantasmes conspirationnistes. C'est ça qui compte pour lui. Et pourtant, c'est parfois franchement grotesque. Un seul exemple. Dans un récent article, Larouche prétend que les autorités états-uniennes auraient essayé de l'assassiner en 1986. Les locaux de son journal auraient été encerclés par une véritable armée et des véhicules blindés. Mais au dernier moment, un ordre supérieur aurait tout annulé. Et pourquoi, selon lui, cette tentative d'élimination ? Parce que ses ennemis auraient attribué à Larouche la responsabilité de l'assassinat du premier ministre suédois, Olof Palme. Et les Américains, en parfait accord avec Gorbatchev, auraient décidé de le punir. Gorbatchev, que vient-il faire là-dedans hein ? Il aurait voulu se venger de l'homme qui a inspiré à Reagan l'idée de la guerre des étoiles. C'est parfaitement absurde, non ? Mais c'est pourtant ce que Larouche a écrit. Larouche qui en a conclu que l'assassinat de Palme n'avait qu'un objectif, l'éliminer, lui, Larouche. Tenez, en d'autres termes, ça s'appelle la maladie de la persécution. En effet. Ouais. Et pourtant, ce même homme qui, il faut le reconnaître, ne manque ni de talent ni de séduction... continue d'attirer à lui des personnages intéressants. ne parlons que des Français. Parce que son mouvement a aussi essaimé chez nous. Tout à fait. Laurent Muraviec, par exemple. Vous en avez certainement entendu parler. C'est un nom qui me dit quelque chose. Oui, c'est un néo-conservateur installé aux États-Unis et qui a été embauché dans ce qu'on appelle là-bas un think tank. Un réservoir d'idées. Oui, c'est à peu près ça. Oui. Ce faucon a été très actif lors de la Deuxième Guerre du Golfe. Et bien auparavant, Muraviec a été pendant 8 ans le collaborateur de Larouche. Ce qu'il regrette aujourd'hui. Il a quand même mis du temps pour comprendre. Ah ouais, vous avez raison. Ouais. Ouais. Autre Français, très proche de Larouche. Jacques Cheminade. Ah oui, c'est l'homme politique. Et là, qui, comme son mentor américain, sera candidat lors de nombreuses élections. Même à la présidentielle de 1995. Ce qui signifie qu'il a réussi à collecter au moins 500 signatures d'élus. Et c'est une sorte d'exploit pour ce leader d'un parti quasi inconnu, le Parti ouvrier européen, qui deviendra plus tard Solidarité et Progrès. Un parti aux contours aussi flous que son programme politique. Par exemple, oui. Cheminade qui dénonce l'oligarchie financière et n'hésite pas à en appeler aux mannes de Jaurès, se réclame aussi de Colbert et de De Gaulle et prône un catholicisme social. Vous voulez dire qu'il y a, là à boire et à manger, quoi. Écoutez, je n'irai pas jusque-là, mais c'est en effet bizarre. D'abord, antistalinien et trotskiste. Comme Larouche lui-même, hein. C'est exact. Cheminade est devenu ensuite violemment anticommuniste. Autre point à noter. Il a toujours été très proche de l'Irak, de Saddam Hussein. Et en montant des opérations humanitaires à destination des enfants irakiens, il a réussi à mobiliser quelques grandes âmes. L'abbé Pierre, en particulier. Ouais, joli pêche, hein. Et l'homme lui-même, hein. Cheminade est incontestablement intelligent. Énarque, il a d'abord fait carrière dans la haute fonction publique, jusqu'au moment où, conseiller commercial à New York, il a rencontré Lyndon LaRouche. Et là, il a été immédiatement séduit. C'est ça. Et Cheminade a aussitôt démissionné pour devenir son représentant en Europe. Il a même présidé pendant de longues années l'Institut Schiller. Mais enfin, écoutez, quand même, je ne vois rien là qui soit vraiment excessif. Vous avez raison. En se contentant de demander une réforme urgente du système financier mondial ou en dénonçant la mondialisation, Cheminade se garde bien de relayer chez nous les délires conspirationnistes de Larouche. N'empêche qui ne manque jamais une occasion de louer les vertus de son maître et sa hauteur de vue. Ouais. Et étant donné tout ce que vous avez raconté sur Larouche, c'est quand même étonnant. Oui, car il y a aussi des côtés plus obscurs. Cette affaire, par exemple, en 2001, un étudiant juif britannique vient à Paris pour suivre ses études à la Sorbonne. Après une rencontre avec un militant de Solidarité et Progrès, ce jeune homme, prénommé Jérémy, part soudain à Wiesbaden, où il rejoint l'Institut Schiller. Quelques jours plus tard, il donne un curieux coup de téléphone à une amie française. Pourquoi curieux, non ? Jérémy a l'air affolé. Il aurait découvert des choses bizarres. Mais sur quoi ? Sur l'Institut ? Ah, ça, je n'en sais rien. En tout cas, on ne tarde pas à le retrouver mort. Ouais. Que s'est-il passé, alors ? D'après les premiers rapports de police, il serait parti précipitamment du logis qu'il occupait, puis il aurait couru sur près de 5 km avant d'être renversé par une voiture, puis tué par 2 autres véhicules. Je n'en sais guère plus, mais la famille et les amis de Jérémy ont formellement contesté la version du suicide formulée par la police. Et l'enquête, alors, elle se poursuit ? C'est ce que demandent ses proches. Mais avouez qu'il y a là de quoi se poser des questions, je n'en dirai pas plus. J'ajoute, pour clore cet entretien, que Larouche n'est bien sûr pas le seul conspirationniste aux États-Unis. On a au contraire l'impression qu'il pullule. Il y a la plus ancienne organisation dont vous avez sans doute entendu parler, la John Birch Society. Une officine très anticommuniste. Et même d'extrême droite. Songez que pour ces gens, Ike Eisenhower était un agent communiste. Bah, oui. Enfin, il faudrait aussi évoquer Eustache Mullins, Richard Sprague, Michael Rupert ou Anthony Sutton. Autant de types qui voient aussi dans le gouvernement fédéral l'ennemi. L'entité qui ne cesse de vouloir attenter à leur liberté en liaison avec les agents du gouvernement mondial, bien sûr. Puis il y a aussi les ufologues, ceux qui croient dur comme fer à l'affaire de Roswell. Ah oui, le crash d'un vaisseau extraterrestre où l'on aurait retrouvé un alien, un étranger, vivant. Aussitôt enlevé par l'armée de l'air à des fins d'expertise. L'armée de l'air qui a bien sûr entretenu un secret rigoureux autour de cette découverte. Puis, notez-le bien, cette histoire ressurgit régulièrement. Mais si vous voulez, on en reparlera un jour, parce que c'est une affaire exemplaire. Ouais, j'ai bien enregistré. Bon, quoi qu'il en soit, La relative habileté des conspirationnistes, c'est de se servir d'un petit bout de réalité pour édifier leurs fantasmes. Il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, ainsi c'est vrai que la commission trilatérale existe et qu'elle rassemble quelques-uns des grands et des puissants de ce monde. Mais de là à en faire un instrument de domination de la Terre entière, non. De la même façon, une organisation semi-secrète rassemble les anciens étudiants passés par Yale. Et comme elle s'appelle bizarrement Skulls and Bones... Crâne et os. Certains conspirationnistes en ont fait une résurgence de la fameuse société des Illuminés de Bavière. Alors, qu'il ne s'agit en fait que d'une fraternité étudiante qui a adopté quelques rites de potache. Mais n'empêche, enfin, si je suis bien renseigné, que ce club a quand même vu passer pas mal de présidents et de dirigeants américains. Oui, et cela a sans doute créé des connivences, comme chez tous les anciens des grandes écoles. Mais je voudrais revenir sur un point qui a attiré votre attention, l'argent. D'où venait l'argent de Larouche? Eh bien, parfois, les conspirationnistes peuvent être victimes de leur propre méthode. Parce qu'on a dit et écrit que l'anticommuniste Larouche était en réalité un agent soviétique. Ah oui, alors, il aurait donc été financé par le KGB? Ce qui expliquerait qu'après l'effondrement de l'Empire soviétique, il ait connu quelques difficultés. Amusant, non? Pour finir, constatons avec Frédéric Charpier, auteur de l'Obsession du complot, que le drame du 11 septembre 2001 a été une sorte d'aubaine pour les conspirationnistes. Il le prouve dans ce passage. Le 21 décembre 2001, Jeffrey Steinberg, un proche collaborateur de Larouche, pond une série d'articles sur l'expulsion de 5 Israéliens arrêtés par le FBI dans le New Jersey, interpellés au bord de l'Hudson River en train de photographier le World Trade Center en flammes. Ils sont expulsés après avoir été soumis au détecteur de mensonges. Passé au tamis du conspirationnisme larouchien, l'affaire devient celle d'une enquête sur un vaste réseau d'espionnage israélien démantelé sur le territoire américain, stoppé sur ordre du FBI. Les articles de Steinberg sont pimentés d'un rappel de vieilles affaires remontant à la période Clinton, d'une histoire des liens entre le Mossad et le crime organisé juif de New York. Pour les Larouchiens, les islamistes qui ont perpétré les attentats étaient manipulés par le ministère de la Défense israélien. À samedi prochain, je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez obtenir des renseignements bibliographiques et discographiques sur cette émission. Sachez aussi qu'il existe des CD Rendez-vous avec X coédités par Radio France. Et merci à Michel Billou, Rebecca Denante et Monsieur Joubert.